Con forza. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Le cheikh il a commencé par rappeler que l'ensemble des versets coraniques ainsi que l'ensemble des hadiths authentiques appellent à trois choses. En règle générale, tous les versets coraniques ainsi que les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam authentiques, ils appellent à trois choses. La première des choses, ils appellent à l'aqida. À l'aqida au dogme, à la doctrine. Donc, ils nous invitent, les versets coraniques ainsi que les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, nous invitent à l'initier. Ils nous invitent à adorer Allah Azza wa Jal, le seul, l'unique, sans lui prendre d'associé. Donc l'ensemble des versets coraniques, l'ensemble des hadiths authentiques, quand on regarde de près, leur objectif c'est que les gens adorent Allah Azza wa Jal, le seul, l'unique. D'ailleurs l'ensemble des prophètes, l'ensemble des messagers, ils ont appelé leur population à l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Ils les ont appelés donc à cette unicité, à ce tawhid. Le deuxième aspect qu'on retrouve dans les versets coraniques, mais aussi dans les hadiths authentiques, c'est l'application de la sunna. Ou plutôt, c'est l'application des actes d'adoration. C'est mettre en pratique ce qu'on appelle l'ibadat. L'ensemble des actes d'adoration, la prière, as-siyam, le jeûne, az-zakat, etc. Et en opposition à l'application des ibadat, il y a la bid'a, l'innovation. Donc quand on parle du tawhid, le premier aspect, en opposition à tawhid, il y a le shirk. Quand on parle de l'ibadat, il va falloir les appliquer en conformité avec le prophète alayhi salatu wassalam, ou les enseignements du prophète sallallahu alayhi wassalam. Donc si l'ibadat il est appliqué en conformité avec les enseignements du prophète alayhi salatu wassalam, le cheikh nous a rappelé, par exemple, le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, où il nous dit « Sallu kama ra'aytumuni usalli » Priez de la même façon que vous m'avez vu en train de prier. « Khudu anni manasikakum » Concernant le pèlerinage, apprenez de moi vos rites. Donc apprenez de ma façon, de ma manière dont j'accomplis le pèlerinage, cette manière et cette façon de l'accomplir. Donc à la fois le tawhid s'oppose au shirk, mais l'application des actes d'adoration s'oppose à la bid'a. Et d'ailleurs, dans la bid'a, il a rappelé le hadith de Aïcha radiallahu anha, qui rappelait que chacun qui innove dans la religion, son acte d'adoration, il est repoussé. Il ne sera pas agréé, il ne sera pas accepté. D'où l'intérêt à faire attention à la bid'a, à l'innovation. Et en troisième aspect, les versets coraniques comme les hadiths appellent au bon comportement, à la bonne conduite. D'ailleurs, Allah Azza wa Jalla a qualifié son prophète alayhi salatu wassalam, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. On rappelle que le prophète alayhi salatu wassalam, c'est celui à qui Allah Azza wa Jalla a accordé le meilleur des comportements. Allah Azza wa Jalla a attesté en faveur de son prophète alayhi salatu wassalam, ayant le meilleur des comportements. D'ailleurs, le message même du prophète alayhi salatu wassalam a été notifié comme si Allah Azza wa Jal, à travers le message du prophète alayhi salatu wassalam, il appelle uniquement au bon comportement. À travers le hadith que le cheikh a relaté, innama bu'ithtu li utammima makarima al-akhlaq. J'étais envoyé pour parachever les nobles vertus. Donc, c'est comme si l'objectif principal pour lequel le prophète alayhi salatu wassalam a été envoyé par Allah Azza wa Jal, c'est la mise en place de ce bon caractère. Donc, l'ensemble des versets coraniques, l'ensemble des hadiths authentiques du prophète alayhi salatu wassalam, ils appellent à cela. En face au bon comportement, il y a le mauvais comportement. Et plus on a un bon comportement, plus on aura le meilleur degré au paradis. Donc, c'est l'une des raisons qui permettra à la personne d'accéder auprès d'Allah Azza wa Jal au meilleur degré, le bon comportement. Et à travers donc, ce rappel, une fois qu'il a rappelé les trois aspects, parmi ces bons comportements pour lesquels Allah Azza wa Jal nous appelle donc à mettre en pratique, il y a le comportement du haya. Al-haya, qui est cette pudeur, qui est la pudeur. La pudeur, c'est un comportement qui relève de quoi ? Qui relève tout d'abord de notre foi. Dans le hadith du prophète alayhi salatu salam, le prophète disait que l'iman, la foi, se compose de 60 voire 70 ramifications. Le plus haut degré, c'est l'attestation de la foi, la ilaha illallah. Le plus bas, c'est d'écarter de la voie des gens toute chose qui pourra nuire à leur passage, et que le haya, la pudeur, fait partie de la foi. Donc la pudeur, le haya, relève de notre foi. Et le prophète, alayhi salatu wasalam, était connu par ce caractère. Et quand les compagnons, ridwanullahi alayhim, ils décrivaient le prophète, alayhi salatu wasalam, ils le décrivaient comme un homme ayant une pudeur de la même façon qu'une femme, comment dirais-je, Bika. Je ne sais jamais. Voilà, une femme vierge. Donc, comme une femme vierge à l'époque quand on parlait, à l'époque de la société de la jahiliya pré-islamique, une femme vierge qui ne s'est jamais mariée, il avait un statut bien particulier. Sa pudeur l'empêchait, au-delà de sortir de chez soi, que même dans sa propre maison, il avait un rideau, il avait un hijab. Il ne pouvait pas voir les hommes qui rentraient à la maison, comme les hommes qui rentraient à la maison ne pouvaient pas la voir. Donc double hijab. N'avait pas la possibilité de sortir, et au-delà de la sortie, quand il y a du monde qui rentre à la maison, les gens, les hommes n'avaient pas le droit de la voir et ils n'avaient pas le droit de voir les hommes. Et le prophète, alayhi salatu wasalam, il était décrit comme cette femme vierge qui a cette pudeur. Et on voyait à travers le visage du prophète, alayhi salatu wasalam, à quel point il a cette pudique. Et d'ailleurs, quand le prophète il observait, quand il voyait des actes qui relèvent de la désobéissance, cela se manifestait à travers son visage. On le voyait dans son regard. On le voyait à travers l'aspect de son visage. On voyait son visage qui changeait de couleur. Et d'ailleurs, le prophète, alayhi salatu wasalam, comme l'a rappelé donc, à travers plusieurs hadiths, ne se mettait jamais en colère si ce n'est quand il voyait un acte de désobéissance à Allah Azza wa Jal. Cela le mettait en colère, alayhi salatu wasalam. Donc, al-haya, avec la foi, ils sont Qurana, ils vont ensemble. On ne peut pas les dissocier. On ne peut pas dissocier la foi du haya, comme on ne peut pas dissocier le haya de la foi. Soit j'ai la foi et j'ai le haya, soit j'ai le haya et j'ai la foi, et je n'ai en aucun cas, je ne peux dire que j'ai la foi mais je n'ai pas le haya. Ou j'ai le haya sans avoir la foi. Ce sont deux choses qui vont ensemble. On ne peut pas les dissocier. Et un homme est venu, donc un homme est venu voir le prophète alayhi salatu wasalam pour lui dire: oh prophète, accorde-moi un conseil. Il lui dit: sois pudeur ou sois pudique, donc il va falloir avoir ce comportement. Et après il lui dit: avoir la pudeur de la même façon quand tu es face à des gens pieux, plus élevés que toi, tu les respectes. Quand on est face à des gens dans un groupe qui se comporte bien, qui ont un rang plus élevé, qui ont donc une foi plus élevée, un savoir meilleur, face à ces gens-là, on se comporte correctement. Un homme qui est doué d'une intelligence ne peut que se comporter correctement en face à un groupe, une jama'a, où les gens donc raisonnent bien, ils ont un bon comportement, ils ont une bonne attitude, ils ont donc un savoir, ils ne peuvent que se comporter bien. Donc le prophète, alayhi salatu wasalam, il lui dit: comporte-toi à travers ton haya de la même façon comme tu le fais en face, en présence d'un groupe qui a un rang plus élevé que toi. ça te permettra de comprendre que face à Allah Azza wa Jal, ton haya doit être davantage. Donc, de la même façon, quand les compagnons sont venus auprès du prophète, alayhi salatu wasalam, il leur a dit « Istahyou min Allah ». Donc, ayez donc cette pideur devant Allah Azza wa Jal. Ils lui disent « Ô prophète, on a le haya, on a la pideur ». Il leur dit « Non, ce n'est pas de cela que je parle. La pudeur dont je parle, c'est de préserver la tête et ce qu'il contient. De préserver le ventre et ce qu'il contient. Qu'est-ce qu'il contient donc la tête? La tête, il contient les yeux. Il contient l'oreille ou les oreilles. Il contient la langue, la bouche. Donc il va falloir préserver ce qu'on, notre regard de ce qui déplaît à Allah Azza wa Jal. Il va falloir préserver les oreilles de ne pas écouter toute chose qui déplaise à Allah Azza wa Jal. Préserver notre langue à ne pas prononcer des choses qui provoquent la colère d'Allah Azza wa Jal. Donc, préserver la tête et tout ce qu'il contient, c'est ce haya qui doit se manifester à travers notre regard, à travers ce qu'on écoute, à travers ce qu'on dit. Il va falloir tout simplement appliquer les recommandations d'Allah Azza wa Jal et s'écarter, s'éloigner de toute chose qui pourra nuire à ma foi. De la même façon, le ventre, ce qu'on boit, ce qu'on mange, il doit être licite. Si ce n'est pas le cas, nos invocations ne seront pas exaucées. D'ailleurs, c'est la condition. C'est l'une des conditions les plus importantes pour que le dua soit agréé, accepté par Allah Azza wa Jal, c'est que ce qu'on boit et ce qu'on mange soit licite. Et bien sûr, la dernière chose que dans le hadith, le prophète alayhi salatu wasalam leur a annoncé, c'est de se rappeler la mort. Qu'on est dans la vie de ce bas monde que de passage. C'est une vie qui est courte. Et ce qui nous attend dans l'au-delà est certainement le plus important. Donc, se préserver pour l'au-delà, se préparer pour l'au-delà, et qu'on prenne conscience que la vie de ce bas monde, elle est courte. Et d'ailleurs, dans l'autre hadith que le cheikh l'a cité, Tadakkaru ou aktiru min dikri hadim al-ladat. Rappelez-vous, sans arrêt, sans cesse, donc d'une façon répétitive, celui qui coupe, qui met fin à nos désirs, il leur dit c'est la mort. Il va falloir se rappeler que la vie est courte. Et après la vie, il y a la tombe. Après la tombe, il y a le jour de la résurrection. Et après, il y a le paradis ou l'enfer. Et c'est pour cela qu'il va falloir se préparer. Donc le haya, comme l'a rappelé nos prédécesseurs, c'est cette qualité que chacun d'entre nous il est censé acquérir dans la vie de ce bas monde pour entreprendre une voie qui lui permet d'accéder à la miséricorde et à la clémence d'Allah Azza wa Jal. Wa sallallahu alayhi wa qadir wa yajalani wa iyaakum. من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وبارك الله فيكم. Je tiens juste à vous rappeler que dimanche inchallah on fera le Maghrib Isha, le chef Fessalé sera avec nous. Il fera donc inchallah un dars Maghrib Isha يوم الأحد inchallah عز وجل.